بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ندخل اليوم في الحديث الحادي والثلاثين، فاصل يوم حديث. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره. نص حديث سلون أبو العباس سأل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. Il dit qu'un homme s'est rendu auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: Ô messager d'Allah, indique-moi une œuvre que si jamais je l'accomplis, Allah m'aimera et les gens m'aimeront. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: délaisse cette dunya, ou la dunya, Allah t'aimera, et délaisse, dans le sens de se désintéresser, ce qu'il y a dans les mains des gens et les gens t'aimeront. Et les gens t'aimeront. والحديث من العلماء ومن مشايخنا من ضعفه. Que le hadith était rendu faible. معنى معناه يندرج تحته أصول. Ce hadith est confirmé par d'autres hadiths. Le sens est correct. Donc là il dit dans le hadith: أترى النبي صلى الله عليه وسلم رجل. Donc là on a un homme كما ذكر أن هذا الرجل مبهم لم يسمى. On a appris il n'y a pas longtemps que dans Al-Baykunia, Al-Mubham, ma fihi rajul lam yusam. C'est lorsqu'un homme n'est pas nommé. Et que ce hadith est rendu faible. À cause de l'anonymat de l'un des rapporteurs. Mais là, on a ma yadur. Car là, maintenant, c'est dans le matn, dans l'énoncé du hadith. Et pas dans le chaîne de narration. Et à la base, on sait qui est le rapporteur. C'est le sahabi. Donc s'il dit un homme est venu pour donner le salam, mais ce n'est pas qui il est, ce n'est pas important. D'accord, ce n'est pas important. L'important, c'est ce qui est dans la chaîne de narration. Donc cet homme, qala, dullani ala amalin iza amaltuhu ahabani Allah. Il lui a dit: indique-moi d'une œuvre, si je l'accomplis, Allah m'aimera. Fa min hadha al-qit'a nara anna al-mahabba min sifatillahi ta'ala thabita anhu. Que aimer, c'est parmi les attributs d'Allah. Quand même, comme a dit Ta'ala, inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu mutatahhirin, que Allah il aime ceux qui se repentent, ceux qui se purifient. Quand a dit Ta'ala, inna Allah yuhibbu alladhina qutiluna fi sabilihi saffan, que Allah il aime ceux qui combattent sur son sentier, comme si c'était des rangs, yani comme des édifices. Et les versets sont nombreux. Donc la mahabba min sifatillah azza wa jal. Et bien évidemment, la sifat d'Allah azza wa jal qui est l'amour n'est pas comme celle de la créature. D'accord ? N'est pas comme celle de la créature. وبعد هذا il a dit, il a demandé de lui indiquer une œuvre à accomplir pour obtenir l'amour d'Allah azza wa jal. وهذا من أهم ما يكون لأن هذا الرجل ما قال لي كيف أكون بعمل يجعلني أحب الله. Il n'a pas demandé comment aimer Allah. Il a demandé comment se faire aimer par Allah. Car c'est ça le plus important. Ce n'est pas que toi tu aimes Allah, mais c'est que Allah t'aime. Car tout le monde prétend aimer Allah Azza wa Jal. Parmi ceux qui affirment son existence, bien évidemment, je ne parle pas des athées. Les Nasara prétendent aimer Allah Azza wa Jal. Ils prétendent même être ses fils. Même les Yahoud prétendent aimer Allah Azza wa Jal. Ils prétendent même être le peuple élu. Wa kaza. Le plus important, c'est quoi? C'est que tous vont prétendre une chose. لكن في هذا الباب الأهم أن يكون الله هو الذي يحبك. Que ce soit Allah qui t'aime. كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تمام؟ Donc là maintenant, c'est ça, ayat l'imtihan. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Si vous prétendez aimer Allah, parce que maintenant tout le monde dit j'aime Allah. Et donc il a dit: alors suivez-moi Et Allah vous aimera. Donc en suivant le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on démontre notre amour à nous pour Allah azza wa jal, et le résultat, c'est que Allah nous aimera. وهذا كما ذكر في الابواب السابقه, c'est ce qui est bâti sur la sincérité bien évidemment et mutaba'a, pas la simple prétention. Donc ça c'est le truc à rakaz, faire en sorte que Allah t'aime, faire en sorte que Allah t'aime. Et كذلك à retenir du hadith de cette partie là c'est que cela a lieu par des actes. Quand Allah dullani ala amal, indique-moi une œuvre par laquelle Allah m'aimera. On avait dit dans le hadith précédent que le Jannah ou le Nar, on ne peut y entrer que par des causes qui sont des amal. Le Jannah, il faut des amal pour y rentrer. Pour les man yakdir alayha. Et le feu, ce sont des amal qui causent qu'on va y rentrer. Bien sûr, ces amal sont le fruit d'une croyance. Le fruit d'une croyance. Quelqu'un qui a du kufr en lui, c'est ça que ça va ressortir. Le munafiq, مهما اخفى من امره فظهر يعني عبر جوارحه عبر عن اعماله واقواله ça apparaît. Même le munafiq, il cache, il aura beau cacher son kufr, il y aura toujours des moments où ça va apparaître, des paroles qu'il va donner, qu'il va dire, des positions qu'il va avoir, des actes qu'il va faire qui vont prouver que lui, voyez, comme quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ayat al-munafiq arba'a, les signes du munafiq sont quatre. Parce que vous, qu'il y a des signes chez le munafiq qui ne peut pas cacher. Tamam. إذا تؤمن خان سيقول لكم في une chose يتخي وإذا حدث كذب إذا jamais il parle il ment إذا jamais il promet كذلك il enfreint وإذا خاصم فجر إذا jamais il se dispute il devient outrancier, il dépasse ses limites. Et ça c'est des amal du munafiq al-amali, celui qui ne sort pas de l'islam. Donc lui qui est moindre que l'autre il aura forcément d'autres signes. Comme que Ta'ala, wa ta'lifannahum bisimahum. Tu les connaîtras par leurs signes. Ils ont des signes, ces gens-là, pour les reconnaître. Wa ba'da hadha qala ahabbani an-nas. Donc, kadhalik, une œuvre qui fasse que les gens m'aimeront. Donc, maintenant, vouloir être aimé des gens n'est pas un blâme, n'est pas un mal. Tant que c'est l'amour pour fillahi subhanahu wa ta'ala, l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala, et que cela provient des salihin. Car gagner l'amour des gens peut amener à beaucoup de khayr par la suite, dans la da'wah. Quand même, celui qui n'est pas aimé, son appel ne sera pas accepté. Celui qui est aimé, son appel sera accepté. Et quand on dit aimé, même le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, barak al-Quraysh, l'ont rejeté à ses débuts, au fond de lui, il savait qu'il avait des nobles caractéristiques, des nobles caractères. C'est pour cela que son appel, la seule façon qu'ils avaient de le rejeter, c'était par le discrédit. Sans quoi il savait très bien que ce n'était pas un menteur, et qu'il n'était pas fou, ni rien du tout. Donc c'est juste qu'il y avait devant eux. L'un des Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand tu sais alahum, quand là, إذا أخبرتكم أن خيرا يخرج من صف هذا الجبل أكنتم مصدقيا. Il a dit, quand il a convoqué Quraysh, il leur a dit, si jamais vous informez que un cheval va sortir de ce flanc de la montagne, est-ce que vous me croyez? Ils ont dit, ما جربنا عليك كذبا. On n'a jamais vu de toi le mensonge. Donc ils savaient très bien qu'il était véridique. Donc malgré qu'ils ont fait apparaître de lui une animosité, ils avaient en eux la connaissance qu'il avait des caractéristiques qui, à la base, appelle à ce qu'on l'aime, qui sont respectés. Donc, cet homme-là a voulu l'amour d'Allah en premier lieu, et l'amour des gens. Et les gens, ce n'est pas n'importe qui, bien évidemment. C'est l'amour des gens salihin. Et cet amour, c'est Allah Azza wa Jalla qui met dans le cœur. Comme a dit le hadith, « إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ يَعْنِي رَجُلًا نَادَى فِي أَلِ السَّمَا أَنَّ اللَّهُ نَادَى جِبْلِلِ أَنَّ اللَّهُ يُحِبْ فُلَانًا فَأَحِبُّهُ. » Que Allah il appelle dans les cieux, Jibril, pour dire qu'il aime tel homme. Donc, vous aussi, vous devez l'aimer. Et cela rentre dans le cœur des gens par la suite. Nous savons ensemble. Donc, si Allah t'aime, les gens de bien t'aimeront également. C'est inévitable. Et si Allah ne t'aime pas, les gens de bien ne t'aimeront pas. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a répondu, « Izhad fi dunya yuhibbak Allah. » il a dit délaisse ce bas monde, sois zahid dans ce bas monde, Allah t'aimera. Il fait allusion au zuhd. Zuhd qui est traduit par l'ascétisme. Ou zuhd, ou bimana, tork, umur al-dunya, allati la tanfa lil-akhira. C'est le fait de délaisser les choses de la dunya qui ne servent pas pour l'au-delà. D'accord ? C'est-à-dire, ce n'est pas comme certains se l'imaginent, qui est le fait de tout délaisser, de vivre comme un ermite, mal habillé, mal mangé, mal coiffé, mal entretenu là. C'est délaisser les choses qui ne vont rien t'apporter pour l'au-delà. C'est tout. Maintenant, il y a des choses de cette dunya, tu en as besoin, qui te sont nécessaires. Dans tes besoins de dunya et dans ta religion. Donc tu as besoin. Donc, مثلاً, لو رأيت شخصاً مع سيارة ضخمة, avec une belle voiture, Al-Mabarik, dis pas lui, c'est pas un asset. Là, ça ne veut rien dire. Cette voiture, il est quand il a les moyens de l'avoir. Comme quand Akhazna, أن الله يحب أن يرى نعمه ولا عبدي. Que Allah, il aime voir ses bienfaits sur son serviteur. D'accord ? Donc le fait qu'il y ait cette voiture-là, ça ne veut rien dire. Amshay, c'est que cette voiture-là ne soit pas dans son cœur. Comme a dit Ibn Qayyim, قال إذا كان المال محبة المال يعني وإذا كان قلبك خاليا عن محبة المال لم يدرك ذلك وإن كان في يدك كثير من المال وإن كان محبة المال في قلبك ضرك وإن كان في يدك قليل من المال que si jamais ton cœur était exempt de l'amour de l'argent cela ne te nuira pas même si tu as les mains remplies d'argent et que si jamais ton cœur est rempli d'amour de l'argent, cela te nuira, même si tes mains sont vides d'argent. Donc ça revient à quoi ? Ce qu'il y a dans ton cœur. Pas ce qu'il y a dans tes mains. T'as des gens qui sont riches, ils n'en ont rien à faire. T'en as, ils sont pauvres, ils sont tamma'in, c'est des gens qui sont avides de dunya. Avides de la dunya. Donc ne juge pas un asset par rapport à son mode de vie, par rapport à ce qu'il possède, ça ne veut rien dire. Mais vois comment la tâche qu'il a à cette chose-là. Comment est-ce qu'on prend ? C'est là que tu verras ce qu'il a cette. Quand même. Tu verras ce qu'il a fait par rapport à cela. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a déjà porté des beaux vêtements. Il a déjà monté sur le khayy. Il aimait les chevaux, les beaux chevaux. Sur le ba'ir, sur le chameau. Ou akadha. Mutawadiya. Seulement, son cœur n'était pas accroché. Son cœur n'était pas accroché. Donc, ala wa zuhd. Les choses qui ne te servent à rien pour l'au-delà, délaisse-les. Mathalan, quelqu'un qui a de l'argent, un exemple, et qui vient le découffar, on lui dit, montre que tu as de l'argent. Parce que les koufars, ça joue sur eux, ce genre de situation. Une fois, j'avais vu un commentaire d'une personne qui critiquait les Saoudiens, qui avaient eu, envoyé une délégation, je ne sais plus dans quel pays, ils avaient loué, je ne sais pas combien de limousines. Plein de limousines. Il dit, regarde, les gens sont pauvres dans la misère, et eux, ils regardent ce qu'ils font. Je dis, ce qu'ils ont fait, ces gens-là, là, s'ils ont montré leur izza devant les koufars. Ils sont arrivés, j'ai pris le couf, ils ont dit, on n'est pas n'importe qui. Tu vois? Ça, c'est un maqam qui est macharif. Si maintenant, à côté de ça, il donne aux pauvres, mais il est machkour. Maintenant, s'il fait ça, qu'il donne rien aux pauvres, non, mais il peut être blâmé. Mais tu sais pas, ça donne pas aux pauvres. Tu vois? Et l'État saoudien, on peut pas dire qu'il donne pas aux pauvres. Ça, c'est pas vrai. Ce sera un mensonge. De dire que ces gens-là donnent pas aux pauvres. Ils font des amal khayrat kafir jiddan. Mais quand ils arrivent dans le maqam, chez le kafir, ils, dans le sens, regarde qui je suis. C'est-à-dire, tu veux pas m'acheter. J'ai pas besoin de ta dunya. Mais la dunya, je l'ai, du fond de l'État, Allah. Tu vois. C'est comme lorsque le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, je ne sais plus quel kafir s'était rendu auprès de lui, et quoi que fasse le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, les sahabas se jetaient sur lui. Ils crachaient, ils prenaient même son crachat. Vous voyez, quand ils se faisaient l'odo, ils étaient prêts à se battre pour avoir les restes de l'odo. Ils ont fait exprès de faire cela devant lui. Et lorsqu'il est retourné vers ses ashab, il a dit, j'étais chez les Césars, j'étais chez des rois et des rois, je n'ai jamais vu des chefs d'État se faire glorifiés par leurs sujets, comme Mohammed Chassan se fait glorifier par ses compagnons. Et Charles Sémé dit par rapport à ça, le comportement qu'ils ont ce jour-là, c'était Mouta'amidan, ils ont fait exprès. Pourquoi ? Pour mettre dans son cœur, pour dire, regarde c'est qui Mohammed. Mais en dehors de ça, ils avaient ça, cet amour pour lui, mais ils n'en faisaient pas autant. Et ce jour-là, il y avait une maslaha de faire ça. Comme ça, les partis étaient impressionnés. Pour dire, Mohammed, ce n'est pas n'importe qui. Et pourtant, ce n'est pas quelqu'un qui a de l'argent, ce n'est pas un roi, ce n'est pas un empereur, et pourtant, les gens sont encore plus fidèles à lui. Que des rois qui ont des je ne sais combien de richesses. Pour dire qu'il y a quelque chose, cet homme-là. Tu vois. Donc, là, ça joue à ça. Ça, c'est une stratégie de da'wah. Tu vois. Quand tu montes, lorsque le Nabi Sallam est arrivé, Kazalik, d'El Medina, sont arrivés à Mecca, qu'ils allaient faire le tawaf, il a dit à ses compagnons, ils étaient éreintés et fatigués. Il leur a dit, courez. Courez chez vous, regarde. Ce qu'ils vont dire, regarde, ils sont arrivés, ils sont fatigués, ils vont rien faire. Ils ont vu, malgré ça, en train de faire des efforts considérables. C'est qui ces gens-là? Avec tout ce qu'ils ont fait, ils sont encore forts, ils ont la force de courir. Qui ils sont? Ça rentre dans le cœur, ils ont peur d'eux après par la suite. Ils étaient volontaires. Alors qu'ils savaient qu'ils étaient fatigués à la base, les Sahaba. Mais ils ont dit ça pourquoi? Technique de Dawa. Pour montrer à ces gens-là, il ne faut pas montrer notre faiblesse. Tu vois? On leur montre notre Izzah. Donc ne montre pas à quelqu'un que tu es faible. Ne le montre pas cela, car lui, il va en profiter direct pour dire, regarde, ces gens-là, ils n'ont rien. Ils n'ont pas d'argent, ils sont tout le temps malades, ils sont faibles. Donc, t'as une occasion de montrer ta force, montre-la. Qui c'est avec de l'argent? Montre-lui ton argent. Mais tes niya, c'est quoi? Dawa. Tu vois? C'est pas une niya, tu te vantes. Ou tu es insolent ou orgueilleux. Non. Ta niya, c'est quoi? Dawa. Taïeb. Donc, on a dit, le zuhd, c'est ça. C'est délaisser maintenant les choses qui ne servent à rien pour la dunya. Et on avait pris auparavant, vous vous rappelez, les sahaba. Comme ça, quand on a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, zahaba al-duthur bil-ujur. Que les gens riches prennent des récompenses. Ils font comme nous, leur salat, le siyam, le tasaddaqun, le fudul, amwalim. Et ils dépensent du surplus de leur argent. C'est-à-dire l'argent qu'ils ont en plus, ils font sadaqa avec. Donc ça, c'est du zuhd, ça. Ils ont de l'argent en plus, tu vois, mais ils n'en ont pas besoin, ça leur sert à rien pour l'akhira, donc ils le donnent. Ça leur sert à quelque chose, de donner cet argent-là. Donc le zuhd, ça t'aide à avoir une vie qui est khafifa. Bien sûr, sans takalluf, comme des gens qui se font croire qu'ils sont masakin, comme on a expliqué, ils s'habillent mal, ils se présentent mal, on dit ça, c'est pas une daroche qui a affaire de faire ça. Tu vois, il va être méprisé. Maintenant, t'as pas. Dans un Abou Bakr Siddiq, il est rapporté qu'il montait sur le minbar, il avait plein de roka'a, c'est-à-dire de, comment on appelle ça, de retouches sur ses vêtements. Les sahaba savaient qui il était. Ils savaient qu'il était Abou Bakr Siddiq. Qu'il était prêt à donner tout son argent pour Allah. Mais maintenant, quand tu es dans un maqam de da'wah devant les koufars, tu n'agis pas pareil. Tu n'agis pas pareil. Donc celui qui a du zourd, la vie, elle est khafif pour lui. Tu vois, il ne fait pas... Les choses de la dunya qu'il a, elles ne sont pas... Il n'y est pas attaché. Il peut s'en défaire. Ce n'est pas un problème. Comme l'autre jour, on parlait... L'exemple de quelqu'un qui aurait une voiture neuve, une voiture qui est déjà usagée, les deux roulent pareil. Et l'une, elle est neuve, elle brille. Et l'autre, elle brille moins, elle est un peu, voilà, quoi. Celui qui achète ça qui est, d'occasion un peu abîmé, mais qui roule bien, s'il a quelque chose, il ne sera pas trop touché. Celui qui a une neuve, la moindre marque dessus, il va devenir fou. Le moindre truc qui va toucher un mur, il va dire, ma voiture, ça va lui faire un truc. Alors que l'autre, il dit, c'est pas grave, ma voiture, c'est déjà vieille. Un mché, elle roule, elle freine, elle m'emmène où je veux, et voilà, quoi. La différence qu'il y a, c'est l'apparence entre les deux voitures. Sinon, elles ont la même efficacité. Donc, c'est pareil par rapport à ça. Et ce qui cause le malheur de beaucoup de gens, c'est qu'ils vivent, justement, dans ce que les autres possèdent. Ils regardent ce que les autres possèdent. Ils ne se voient pas qui ils sont, ce qu'ils ont, à cause de ce qu'il y a chez les autres. Donc, quand le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, tanzou les manu adounak, la tanzou les manu les gens qui sont en dessous de toi. Pense de toi. Tu regardes les choses de toi, tu seras tout le temps frustré. Ils ont moi j'ai pas. Quand même, ils ont moi j'ai pas. Regarde celui qui n'a pas ce que toi tu as, pour que tu te rendes compte de ce que tu as toi. Parce que combien de ni'mas on les possède, on s'en rend pas compte. Pourquoi? Car on voit l'autre il a 3 fois, 4 fois, 5 plus que. Puis ce que t'as là, t'as des gens ils ont pas ce que t'as là non plus. Comme ni'ma. Et ça devient quoi? Ça t'amène à devenir ingrat. Tu t'en rends pas compte. Ça, c'est une chose qu'on voit, par exemple, souvent même chez les femmes. Plus que chez les hommes. Qui veulent plein de choses dans la maison. Elles ont ce qu'il leur faut dans leur maison, et elles veulent un surplus. J'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Tu vois? Et elles se plaignent avec le peu qu'elles ont, et il y a trop de tâches à la maison. Je dis, si on avait tout ce que tu demandes, tu aurais 10 fois plus de tâches à la maison. Donc, si Nirma dans l'acte, t'as un tarfif. Tu vois, elle va te dire, il y a trop de machines à faire. Je dis, oui, tu veux des vêtements en plus. Il y a trop de vêtements à repasser et tu veux des vêtements en plus. Tu vois. Il y a trop de trucs à nettoyer, tu veux des meubles en plus. Il y a trop de trucs à ranger et tu veux de la vaisselle en plus. Tu vois. Ah, qu'est-ce que c'est? Et c'est pareil, ça revient à ce qu'on a dit. Plus tu auras des richesses, et plus tu vas t'y accrocher, et demain si c'est cassé, voilà. Ça, ça va faire quelque chose. Alors si tu l'as pas à la base, tu dis, je l'ai pas à la base. Affiché. Quelqu'un qui lève son linge à la main, par exemple, je parle de quelqu'un qui peut pas. Alors c'est qui peut avoir une machine, il prend une machine à laver. Celui qui lève son linge à la main, on dit, taïeb, c'est vrai que c'est fatigant et tout. Mais regarde pour côté des choses. Un, t'as pas d'électricité à payer par rapport à ta machine. Par exemple. Deux, le jour où la machine est en panne, toi t'es habitué, c'est normal. Celui qui a une machine, le jour où sa machine ne marche pas, alors lui, pour lui, c'est un ders. Tu vois, il sait plus comment il va faire, il est perdu. En plus, la machine, il faut l'emmener chez le réparateur. Il faut payer le réparateur. Ouais, d'ailleurs, en attendant le monde, le linge, il monte à la maison. Alors, ceux qui lavent à la main, elle dit, donne-moi le linge, je lave ça tout de suite. Elle est habituée à laver à la main, c'est pas un problème. C'est ça, le zord. Elle a la machine, elle l'utilise. Elle n'a pas la machine, c'est pas grave, je connais, je peux le faire à la main. La machine, c'est mieux, mais je peux le faire à la main. À celui qui est, Moutaralak Bidounia, il n'y a pas la machine, il ne fait plus rien. Le linge, il monte. Lave à la main, non, je peux pas. Alors qu'il peut. Tu vois. Mais pourquoi? Son cœur accroché à quoi? À la machine. À la machine. Donc ça, c'est comme plein de choses. Tu vois, plein de choses que tu peux avoir chez toi. Des exemples. Wa'akada. Donc il lui a dit quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit, si tu veux qu'Allah t'aime, alors justement, ouzveut fi dunya. Cette dunya soit un zahid. Et Allah, il va t'aimer. Car comme l'a dit Ibn Qayyim, l'ajtamiya fi qalb al-iman wa mahabbat al-dunya. La foi, qui inclut l'amour d'Allah Azza wa Jal, le vrai, l'authentique, le pur, et l'amour de la dunya. Et quand on dit l'amour de la dunya, le fait d'être accroché à cette dunya, de te battre pour cette dunya. Amen. Comme a dit Allah, wa la tamudanna 'aynayka ila man matta'na bihi zawjan minhu zahrat al-hayat ad-dunya wal-nafsinum fi. Dans le sens où Allah dit, et ne tourne pas tes yeux vers ce que nous leur avons accordé, c'est-à-dire un groupe d'entre eux, comme parure de ce bas monde, et comme bien, car nous allons nous éprouver avec. Mais le risque de ton Seigneur, c'est-à-dire le paradis, est meilleur et plus durable. Donc ce que les gens y vont, ne louche pas dessus. Ça va t'apporter. Et quand tu dis, c'est la bienfait d'Allah, il donne qui il veut. Il se peut que cet homme qui a ces choses qu'il possède, dont toi tu es exempt, que tu ne possèdes pas, ça ne fit pas pour lui. Alors que toi, t'es khafif, t'es léger. T'as pas tout ça. Tu vois, t'as pas tout ça. Donc il lui a dit, cette dunya, comme ça dans le hadith d'Ibn Omar, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Kun fi dunya kana ka gharib aw abir as-sabil » Sans ce bas monde comme quelqu'un qui est de passage, quand même, ou un étranger. Un étranger qui est quelque part, il sait qu'il va pas rester, il s'investit pas. Il prend léger, il se met dans un coin, il fait ce qu'il a à faire, il s'en va. Il s'installe pas. Il sait qu'il va pas rester. La dunya, c'est pareil. Tu ne vas pas rester. Tu ne vas pas rester. Donc, ne t'installe pas. Fais ce que tu as à faire. Et après, attends que l'heure du départ arrive. Donc, il a dit, وَزْهَدْ فِمَا عَيْدِ النَّاسِ وَحِبَكَ النَّاسِ. Ne sois pas intéressé parce que dans les mains des gens, et les gens vont t'aimer. لِنَا الشِّيْرِ يَقُولَ الشِّيْرِ فِي هَذَا يَقُولَ لَا تَتَّلِيَ إِلَى مَا فِي أَيْدِ النَّاسِ لِأَنَّكَ إِذَا اطَّلَعْتَ إِلَى مَا فِي أَيْدِهِمْ وَسَأَلْتَهُمْ أَبْغَضُوكَ لِأَنَّهُمْ لَا يُحِبُّونَ وَلَا يُرِيدُونَ بَذْلَ مَا بِأَيْدِيهِمْ فَلَا تُحْرِجَهُمْ فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ مَحَبَّتَهُمْ فَلَا تَسْأَلْهُمْ اسْتَعِنْ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَهْمَا أَمْكَنَكَ ذَلِكَ. Donc il a dit, ne cherche pas à savoir ce que les gens possèdent, car si jamais tu fais cela et que tu leur demandes, les gens vont te détester au final, car les gens n'aiment pas dépenser ce qu'ils ont. Les gens, à la base, l'être humain, il est avare. Ce qu'il a, c'est à lui, il est possessif. Il n'aime pas que les gens rôdent de ce qu'il a pour pouvoir en tirer profit. Donc toi, Kazalik, lorsque tu demandes aux gens, ne mets pas mal à l'aise. Alors demande de leur bien. Donc si tu veux que les gens t'aiment, ne leur demande de rien du tout. Tant que cela t'est possible. Comme on a parlé dans le hadith d'Ibn Abbas, وَزَلْتَ فَسْأَلِلَّهِ. Si jamais tu demandes à Allah. وَسْتَعَنْتَ فَسْتَعَنْ بِاللَّهِ. Tu cherches de l'aide, on cherche de l'aide auprès d'Allah. Après, il y a des cas particuliers où, par exemple, quelqu'un, il y a des gens, ils ont des biens, et ils aiment aider. T'en as, ils sont connus, ils aiment aider. Quelqu'un va te dire, par exemple, t'inquiète pas, si c'est un problème, demande-moi. Ils sont comme ces sahabas qui ont des foudoules de l'argent en plus, ils veulent faire du bien. Et dis-moi, dans le sens, j'ai de l'argent, moi je suis murtah, je vais faire des sadakas, tu vois. Donc s'il y a un truc, indique-moi. Par exemple, aider un masjid, je vais aider. Aider un frère, je vais aider. Aider une veuve, je vais aider. Dis-le-moi, juste tu vas mettre des gens de confiance. Pas jette des hisbis ou jette des mounhalifines ou jette des choses qui ne servent à rien. Pour mon argent, il a des fruits. D'accord? Car pour lui, c'est une récompense pour lui. Pour lui, c'est du hajj. L'argent qu'il a, il ne sert à rien. Donc, fais-le dans ma chalil al-khayr, et ce sera pour toi, Yom al-Khiyama, sadaqa, qui t'aidera à monter en degré. Et tu fais des fautes. On l'avait dit dans le hadith, la sadaqa burhanun. La sadaqa, quand même, ce sera un argument pour toi. Wa'akada. Et ce n'est pas une perte. Jamais. Le sadaqa n'est jamais une perte. Si elle est faite avec une bonne niya. Donc, la chose à retenir par rapport à ça, c'est que tu demandes aux gens. Les gens sont pauvres. À la base, l'abd fakir. Même si c'est un milliardaire, il est pauvre. On a déjà parlé de la richesse d'Allah Azzawajal, son royaume, comment il est. Que même tu rentrerais une aiguille dans la. Tu demanderais tout ce qu'il y a, tout ce que tu voudrais sur terre. Et chaque homme, chaque djinn demanderait, comme on a pris dans le hadith. Cela ne retirera rien de son royaume. Tout comme une aiguille, on sort de l'eau. Qu'est-ce qu'elle retirerait? Rien du tout. C'est pareil. Et Allah, il a dit, Oudouni stajib lakum. Invoquez-moi, je vous répondrai. Donc Allah, il veut que tu lui demandes. Allah, il le renie. Il veut que tu lui demandes. Et toi, en dehors de cela, tu vas demander au fakir qui n'aime pas qu'on le demande. Tu vas demander à une créature qui est pauvre, d'accord, et qui n'aime pas que tu lui demandes. Qu'est-ce qui va se passer? Il ne va pas t'aimer. Et Allah ne t'aimera pas non plus. Pourquoi? Parce que lui, il est riche, tu ne demandes pas à lui. Adahu. Voilà, il a trouvé le dua. Allah, il veut qu'on lui demande. Adal matloub minna. Donc ça, c'est une wasiya azima du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit bien, justement, que si on veut obtenir l'amour d'Allah azawajal, on délaisse cette dunya. Ce qui ne nous sert à rien, cette dunya. Et que si on veut l'amour des gens, et quand on parle des gens, on parle des gens de bien, alors que l'on délaisse ce qui est dans les mains des gens. Non. هذا خلاصة الحديث ثم قال في الحديث الثاني وثلاثين 32 حديث يقول عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرار ولا ضرار لا ضرار ولا ضرار سلوم أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري أبو سعيد الخدري كي معروف parce qu'on y a. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit pas de nuisance, ni volontaire ni involontaire, ou ni à soi-même ni à autrui. Wa akada. Wa hada al hadith qala Hassan et ba'd al mashayikh kama shaykhina qalu annahu mursal. Il est mursal. Yani ce que le tabi'i a apporté du Nabi sallallahu alayhi wa sallam directement, sans savoir combien de gens a-t-il entre lui et qui est le sahabi qui a porté le hadith. طيب ومع ذلك هذا الحديث يعتبر من القواعد الفقهيه الكبرى. Il est parmi les règles majeures du fiqh. Dans lesquelles on comprend de ce hadith que tout ce qui nuit, qui porte préjudice ou un préjudice mutahaqqaq, on est sûr, ça devient interdit. Ça devient interdit. Ce qui amène à englober beaucoup de choses sur lesquelles on n'a pas un hadith mufassal pour dire telle chose interdite, telle chose interdite, telle chose interdite. On a toute chose dont on a connu sa nuisance, d'accord, cette chose-là sera interdite. Pourquoi? Par ce hadith. Mathalène, quelqu'un te dit on n'a pas de preuve que fumer est interdit, le tabac. On dit on n'a pas de preuve directe, on a des preuves générales. Comme encore le ta'ala, et ne vous jetez pas de vos propres mains à la destruction. Le tabac, il y a unanimité, ijma' des koufars, des actibak, ça tue. Cause cancer des poumons. Ce hadith, il dit, pas de nuisance. La cigarette est nuit ou pas? Il n'y en a aucun qui va dire ça nuit pas. Il y a ça nuit. Khalas. Le hadith, c'est un hujja. Certains produits qu'on utilise pour des choses, produits de beauté pour les femmes, ou je ne sais quoi, d'autres choses, s'il y avait on découvre que ces produits sont préjudiciables pour la santé de l'homme, peut-être même pour la nature, réellement, pas les trucs exagérés comme le koufar, le couche d'ozone, machin comme ça. Donc vraiment, il y a une mutahakka qui nuit, ça rend dans le hukm que c'est interdit. Pas même que c'est interdit. Que tu aies fait extra ou pas, c'est interdit. Donc, un exemple que les ulama citent, que tu n'as pas le droit de faire une chose qui pourrait être permise avec l'intention de nuire à quelqu'un. Mathalène donne l'exemple d'un homme marié avec une femme. Ils ont des enfants. Summa hasal firaq baynahuma, qaddara ma sha fa'al. Ils se séparent tous les deux, divorce. Al hidana lil um awwalan. Si l'enfant il n'est pas mumayyiz, il n'est pas encore, il y a moins de 7 ans à peu près, la garde à la base revient à la mère. Comme quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit une mar'a, anti ahaq bihi ma lam tankahi. Que tu as le droit d'avoir cet enfant tant que tu ne te maries pas. L'enfant, tu la gardes. Car c'est la mère qui est plus, yani, l'enfant est plus en besoin de sa mère qu'autre chose, que son père. Par contre, si la mère se remarie, la garde revient à qui? Au père s'il la réclame. Là, c'est d'autres règles de fiqh. Un shahid, que quelqu'un, mathalan, lui, son but, c'est d'empêcher que sa femme se remarie. Il dit, par exemple, tu te remaries, je prends l'enfant direct. Il sait que la mère, elle aime son enfant. Lui, à la base, l'enfant, il veut pas le prendre. Et s'il le prend, il va pas s'en occuper. Mais c'est quoi son but? C'est que cette femme-là ne se remarie pas, reste en galère. Donc il dit, tu te remaries, le lendemain, l'enfant est chez moi. Il la menace. C'est quoi son but? C'est pas d'appliquer la règle qu'il a la garde. C'est quoi? C'est d'empêcher cette femme, quand même, de se remarier. Elle a une nouvelle vie, elle a un nouveau bonheur. Fahada, même si l'apparent, يعني يبدو كأنه مشروع في الحقيقة يكون محرما لأجل هذه القاعدة وكما قال تعالى وإذا اتلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بالمعروف أو صرحوهن بالمعروف ولا تمسكوهن ضرارا تعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه donc il a dit c'est mieux de divorcer les femmes qu'elles ont atteint leur période de vie de duité soit tu la gardes avec toi بالمعروف convenablement ou soit tu laisses partir convenablement. Et ne la retiens pas justement pour le nuire. Quelqu'un il a dit, je la divorce pas la femme. Pourquoi? Comme ça, se remarie pas, reste avec moi, mais en attendant, il n'y aura pas son droit. Tu vois, elle reste comme mu'allaqa, celle qui est suspendue. C'est-à-dire, elle est mariée avec lui, mais elle n'a pas les privilèges du mariage. À peine de nafaqa, elle n'a pas droit à des rapports, et elle est maltraitée. Même s'il ne la frappe pas, elle est, tu vois, matrouka, il la néglige. Pourquoi? Pour le nuire. C'est tout. Hein? Donc, l'Abi a dit, Na'aza wa Jal, ne fais pas cela en vue de leur nuire volontairement. Soit tu la gardes, tu comportes avec elle convenablement, soit tu la laisses partir. Voilà, kaza. Pareil dans les choses avec les voisins, que tu fais qui peuvent causer nuisance à tes voisins, des choses que tu vas faire. Vous voyez? Mathalène, tu vas faire hafla. Dans un ours, une noce. Il y a beaucoup de bruit. Mathalène. Si ton voisin t'autorise, il n'y a pas de problème. Si jamais ça lui nuit, ne le fais pas. La darara wa dirara. Sans compter les proches du voisin. À la rigueur, tu veux faire du bruit, je fais pas de musique. La musique, c'est haram. Je sais, par exemple, il y aura plein de femmes, il y a du douf, tu vois, je chante entre elles, les voix se lèvent. Ça peut être mouzrij pour les voisins. Soit tu vas à un endroit où il n'y a personne, tu fais chez toi, tu sais que ça va être entendu chez les voisins, soit t'as stasi de minot, tu lui dis, c'est un jour de fête, est-ce que tu nous permets casa casa, l'autorise. Si elle ne l'autorise pas, ça va le déranger, soit tu fais en sorte qu'il n'entende pas ce que tu vas faire, soit tu vas ailleurs. Mais tu ne le nuis pas, par rapport à cela. Car ça c'est beaucoup de dame. C'est-à-dire le mal que tu vas causer, quand même, est prioritaire à éviter, que le bien que tu vas faire aux gens pour ce mariage. Car le mariage, à la base, c'est pas là que tu vas tout ça. À la base, le horse, la fête, c'est une chose qui est recommandée, c'est pas une obligation. Alors que nuire aux voisins, c'est interdit. C'est quoi qui est prioritaire? C'est quoi qui est prioritaire? Ne pas nuire. Le reste, c'est juste une chose qui recommande. Si tu peux le faire, fais-le. Si tu veux pas, c'est pas grave. Le mariage, il est fait, le hajj, il a été fait, la walima, elle a été faite, ou akada. Donc ça, ce hadith-là, c'est pour une règle générale à bien comprendre. De tout ce qui porte préjudice à soi-même, volontairement ou pas, ou aux autres, volontairement ou pas, et dans ce qui est mutahakkak, qui est sûr que ça va nuire, et qui n'est pas une chose qui est légiférée, parce que des fois il y a des choses, par exemple, quelqu'un va dire, ouais, ben vous coupez la main du voleur. On dit, non, mais ça c'est hukm d'Allah, ça va dire. Ça, c'est autre chose. Là, on a un dalil qui dit que le voleur ou la voleuse, coupez-leur la main. Ça, c'est un dalil. On s'entend dans la qaïda. Le fait de rajm, zani, on le... Tu vois, c'est darar sur lui. On dit, non, ça ne rentre pas dedans, ça. Là, on a un hukm shari. On peut mettre dans des choses où il n'y a pas un dalil qui montre cette chose à la nuit. D'accord ? Et qu'elle est permise, tu peux le faire. Tu ne dois pas le faire, je veux dire. Pourquoi ? Pour ce hadith-là. La darar ou la dirar. Donc, plein de gens, des fois, ils te disent, pourquoi c'est haram telle chose ? Ce hadith-là, c'est une hujja. D'accord ? Ce hadith, c'est une hujja. Cheikh Moukbil l'a même rendu interdit en forme de maquillage par ce hadith-là. Les hubub, que les femmes prennent les pilules pour ne pas avoir leur menstrues quand on fait le hajj ou quoi, ça rentre là-dedans. Les pilules de contraception, tant qu'il n'y a pas une hajja, une darura par un tobib qui dit ces femmes-là, si elle, par exemple, elle enfante, elle aura des problèmes de santé, par exemple. Sûr. C'est truc de contraception, ça lui à la femme. Il y a des effets secondaires par la suite. Ça rentre là-dedans. Et celui vraiment qui veut avoir des rapports et ne pas avoir d'enfants pour une raison quelconque, il fait la hazl. L'éjaculation externe. Ça, c'est une chose qui a été connue chez les sahaba. À l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, de la wahi, et il n'y a pas eu d'inkar. Il n'y a pas eu de blâme par rapport à cela. Ici, par exemple, ils te disent le qat, c'est pas haram, ce hadith-là, tu lui dis. Et il y a d'autres adillah. Le qat, ça fait idat al-mal, en prend ton argent, il n'y a pas de faïda. Et en plus, tu auras les mukhazilin, et même on te dit, je passe à ton jama'a. Tu dis, ah, ça va yakfi. Ah, va yakfi. Je passe à ton jama'a à cause du qat, yakfi pour le haram. Sans compter le côté enivrant qu'il peut avoir, ou à kaza. Non. مفهوم هذا؟ فنكتفي بهذا القدر اليوم والحمد لله رب العالمين